3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Né le 5 avril 1917 à Chicago, en Illinois, Robert Albert Bloch deviendra à l'âge adulte un écrivain de fiction, principalement de crimes, d'horreurs psychologiques et de fantasy, dont une grande partie a été dramatisée pour la radio, le cinéma et la télévision. Durant sa carrière de plus d'une soixantaine d'années, dont plus de 30 ans à la télévision et au cinéma, l'auteur écrira également une quantité relativement limitée de science-fiction. Protégé de H.P. Lovecraft, qui fut le premier à sérieusement encourager son talent, Bloch commencera à imiter Lovecraft, mais se spécialisera ensuite dans des histoires sombres, travaillant avec une approche beaucoup plus psychologique. Débutant sa carrière d'écrivain professionnel immédiatement après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires à l'âge de 17 ans, Bloch contribuera à des magazines pulp tels que Weird Tales au début de sa carrière, en plus d'une contribution majeure aux fanzines de science-fiction et au fandom en général. Remportant le prix Hugo de la meilleure nouvelle pour The Hellbound Train en 1959, ce sera également durant cette année qu'il publiera son sixième roman intitulé Psycho. Cette histoire, écrite en moins de 6 semaines, mettait alors en vedette le personnage de Norman Bates, personnage qui fut vaguement inspiré par deux personnes réelles, soit le véritable tueur en série Ed Gein, ainsi que Calvin Beck, éditeur du Castle of Frankenstein, un magazine publié entre 1962 et 1975. Publié en avril par la maison d'édition Simon & Schuster, Psycho verra ses droits cinématographiques être rapidement achetés par un inconnu au montant de seulement 9 500 $ américains. Bloch n'avait jamais vendu de livres à Hollywood auparavant et donc son contrat avec la maison d'édition Simon & Schuster ne prévoyait aucun bonus pour la vente de droits cinématographiques. Donc, une fois le 15 % de la vente remis à l'éditeur et un 10 % additionnel pour son agent, il ne restera qu'à l'auteur qu'un maigre 6 750 $. Bloch ne recevant alors aucune autre compensation suite à la sortie de l'adaptation cinématographique en 1960. Le succès de son livre, cependant, deviendra monstre suite à la sortie du film d'Alfred Hitchcock et Bloch soumettra alors un scénario pour Psycho 2 qui sera alors rejeté par les exécutifs des studios Universal et qui servira de base pour écrire sa propre suite en roman qui sera alors distribué par la maison d'édition Whispers Press en 1982. L'histoire de ce roman, que les dirigeants de la Universal suggérèrent fortement à l'auteur d'abandonner l'écriture, suivra le personnage de Norman Bates venant de s'échapper de l'asile où il était détenu et étant déguisé en sœur, et qui se dirige alors en direction d'Hollywood afin de tuer tous ceux impliqués dans l'adaptation cinématographique de son histoire. Le livre aura tout de même connu de bonnes ventes, les exécutifs de Universal Studios détestant l'œuvre littéraire car ce dernier se voulait une critique sévère du milieu des slasher films. Puis, en 1990, Block publiera avec la maison d'édition Thor Publishing Group un troisième roman intitulé Psycho House. Dans cette nouvelle histoire, Norman apparaît uniquement comme une nouveauté animatronique exposée dans le Bates Motel qui a été transformée en attraction touristique. Robert Albert Block décédera le 23 septembre 1994 d'un cancer à l'âge de 77 ans. Malgré le décès de l'auteur, le personnage de Norman Bates apparaîtra dans deux autres œuvres littéraires, soit en 2013 dans le light novel intitulé Danganronpa Kirigiri de l'auteur Kakekuni Kitayama, une préquelle du jeu vidéo Danganronpa Trigger Happy Havoc de 2010, ainsi que le roman Psycho Sanatorium, un préquel écrit par l'auteur Chet Williamson en avril 2016 et publié par la maison d'édition Thomas Dune Books. Le livre, dont l'intrigue se situait entre les livres Psycho et Psycho 2, suivait l'histoire d'un psychiatre qui tentait de sortir Norman Bates d'un état catatonique. Malgré la mort de son créateur, le personnage de Norman Bates continue de vivre dans notre culture populaire et marquera surtout l'histoire du cinéma comme étant l'investigateur du mouvement slasher film aux États-Unis. Donc, préparez-vous à prendre une bonne douche dans votre chambre d'hôtel et à être soudainement agressé par une vieille femme sans défense alors que je vous présenterai ici les deux adaptations cinématographiques de l'un des romans d'horreur les plus influents du 20e siècle, soit le film Psycho, réalisé par le maître du suspense Alfred Hitchcock, ainsi que son remake de 1998, un exercice de style mis en scène par le metteur en scène américain Gus Van Sant. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. We have a wonderful evening's entertainment lined up for you, one that will provide several hours of pleasurable relaxation and diversion for you and your family. Did you fail to dress up for tonight's show? No tie, an old shirt and slacks, a house dress? Well, don't give it a thought. We're glad you came as you are. We just want you to enjoy yourselves. Don't forget to visit our refreshment center during the intermission or any time. Good evening, ladies and gentlemen. We're happy to announce that we've installed Burns-O-Matic in-car heaters for your comfort and pleasure. When you receive your heater, you'll find it very easy to place in your car. Just roll down your front window and rest the heater's bracket on the window with the cylinder on the outside of the car. Roll up your window securely as far as it will go to hold the heater firmly in position. For maximum results, tilt the face of the heater towards the windshield and sit back and enjoy the show in healthful comfort. With these modern, safe, efficient in-car heaters, this drive-in theater will now remain open all year round. If you have any further questions about your Burns-O-Matic in-car heater, please contact one of our theater attendants. And remember, this drive-in theater will now remain open all year round, regardless of the weather. It's intermission time, folks, so hurry, hurry, hurry. Step right over to our refreshment center for the most extravagant array of refreshment goodies ever assembled under one roof. Enjoy breathtaking, mouth-watering goodies, everything from a snack to a delicious full meal. At our refreshment center, you'll find a large variety of goodies to satisfy your hunger, your thirst, or your sweet tooth. So hurry, hurry, hurry. Visit our refreshment center now. And now, on with the show. Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go. It's showtime. Get more out of life. Go out to a movie. Good afternoon. Here we have a quiet little motel tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact it has now become known as the scene of the crime. This motel also has as an adjunct an old house, which is, if I may say so, a little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place. I think we can go inside because the place is up for sale, although I don't know who's going to buy it now. In that window on the second floor, the single one in front, that's where the woman was first seen. Let's go inside. You see, even in daylight, this place still looks a bit sinister. Now, it was at the top of these stairs that the second murder took place. She came out of the door there and met the victim at the top. Of course, in a flash, there was the knife, and in no time, the victim tumbled and fell with a horrible crash. I think the back broke immediately it hit the floor. It's difficult to describe the way the twisting I won't dwell upon it. Come upstairs. Of course, the victim, or should I say victims, hadn't any conception as to the type of people they would be confronted with in this house, especially the woman. She was the weirdest and the most... Well, let's go into her bedroom. Here's the woman's room, still beautifully preserved. And the imprint of her figure on the bed where she used to lay. I think some of her clothes are still in this wardrobe. Was the son's room, but we won't go in there because his favorite spot was the little parlor behind his office in the motel. Let's go down there. This young man, you had to feel sorry for him. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. Well, I suppose you'd call this his hideaway. His hobby, as you see, was taxidermy. Crow here, an owl there. Now, an important scene took place in this room. There was a private supper here. And, oh, by the way, this picture has great significance because, let's go along to cabin number one. I want to show you something there. All tidied up. The bathroom. Well, they've cleaned all this up now. Big difference. You should have seen the blood. The whole place was, well, it's too horrible to describe. Dreadful. And I'll tell you, there's a very important clue was found here. Down there. Well, the murderer, you see, crept in here. Very slowly, of course, the shower was on, there was no sound. And, est un drame d'horreur qui a été produit et distribué par les studios Paramount Pictures le 16 juin 1960. Ce film américain d'une durée de 109 minutes a coûté 807 000 $ à produire et a amassé plus de 50 millions de $ à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, eh bien, on y trouve le metteur en scène britannique Alfred Hitchcock, lui qui nous a donné les films The Birds, Vertigo et North by Northwest. Au poste de producteur, on y retrouve également le producteur britannique Alfred Hitchcock, lui qui avait produit les films Notorious, To Catch a Thief, Frenzy et Rear Window. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain Joseph Stefano, lui qui avait écrit les films The Kindred, Psycho 4, Two Bits et Eye of the Cat. Dans la distribution, on y retrouve les acteurs et actrices Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, John McIntyre, Simon Oakland, Frank Albertson, Pat Hitchcock, Vaughn Taylor, Lorreen Tuttle, John Anderson, Mort Mills et Janet Lee. La secrétaire d'un agent d'immeuble s'enfuit avec plus de 40 000 $ appartenant à un important client de son patron. En route, elle loue une chambre dans un hôtel et, suite à une courte conversation avec le propriétaire, est assassinée par une vieille femme alors qu'elle prenait sa douche. Un détective privé, la sœur de la victime et son amant se rendront alors sur place afin d'éclaircir le mystère sur la disparition de la jeune femme. Suite à son dernier succès en salle, North by Northwest, le réalisateur Alfred Hitchcock cherchait une nouvelle direction à sa carrière, quelque chose de nouveau qui pourrait ravigoter son style. Le réalisateur avait encore un film à produire pour les studios Paramount dans son contrat et devait alors s'attaquer à la production de No Bail for the Judge avec l'actrice Audrey Hepburn. Malheureusement pour lui, Hepburn tombera enceinte et dut se retirer du projet, forçant alors Hitchcock à abandonner la production. Ce sera finalement Peggy Robertson, son assistante de longue date, qui mettra alors la main sur une critique positive du journaliste Anthony Boucher sur le roman de Robert Bloch intitulé Psycho et décidera alors de montrer le livre à son employeur. Précédemment, les exécutifs des studios Paramount avaient envisagé d'acheter les droits du roman de Block en février 1959, mais il leur fut conseillé d'abandonner ce projet car le livre fut qualifié de trop répugnant pour être adapté, le personnage féminin principal étant tout simplement décapité dans le fameux meurtre de la douche en plein milieu de l'histoire. Après avoir lu lui-même le roman, Hitchcock fera une offre anonyme pour les droits cinématographiques de 6 500 $, montant qui monta finalement à plus de 9 500 $ après la fin des négociations. L'auteur Robert Block n'apprendra l'identité d'Hitchcock qu'une fois la transaction complétée. Suite à cela, une rumeur persistera comme quoi Hitchcock aurait demandé à son assistante Peggy Robertson d'acheter toutes les copies du roman afin de préserver le secret sur l'histoire, rumeur qui est cependant encore aujourd'hui sans fondement. Les exécutifs de la Paramount seront profondément réticents à financer la production du long-métrage en raison de son sujet controversé, ce qui obligera Hitchcock à chercher des mesures de réduction des coûts autant que possible. Il fut même proposé par le réalisateur que le film serait tourné avec l'équipe qu'il avait utilisée pour sa célèbre série télévisée Alfred Hitchcock Presents, ceux-ci étant habitués à travailler dans des contraintes de temps très strictes et des budgets très petits. Le long-métrage sera alors tourné sur le backlot des studios Universal International qui abritait la société de production télévisuelle du réalisateur Shamley Productions. Les dirigeants de Paramount Pictures rejetteront cette approche soucieuse des coûts, forçant alors Hitchcock à financer personnellement le projet si Paramount le distribuait. Au lieu de son cachet habituel de 250 000 $, il demandera que 60 % des recettes du long-métrage lui soient remis, forçant les exécutifs à accepter cette dernière offre. Hitchcock approchera par la suite Robert Block pour qu'il écrive lui-même l'adaptation cinématographique de son roman, mais Block prétendra ne pas être disponible. Ce sera donc le scénariste James P. Cavanaugh, écrivain sur Alfred Hitchcock Presents, qui sera embauché pour écrire la première ébauche du scénario. Mais Hitchcock estimera ce dernier ennuyeux et rejettera le script. Le metteur en scène se tournera donc vers l'écrivain Joseph Stefano, qui n'avait jusqu'ici travaillé que sur un seul film. Malgré son manque d'expérience, Hitchcock embauchera le scénariste sur la recommandation de son agent Ned Brown, qui avait aidé Hitchcock à acquérir les droits du livre. Stefano restera tout de même relativement fidèle au roman, apportant quelques changements notables qui lui seront en partie suggérés par Hitchcock lui-même. Un des plus importants changements apportés sera l'âge du personnage de Norman Bates, qui à l'origine était dans la quarantaine, alors que son âge sera rajeuni d'une vingtaine d'années. Le prénom de la protagoniste féminine sera également changé, passant de Mary à Marion. Pour sa distribution, Hitchcock choisira l'actrice Janet Leigh, car cette dernière avait accepté le rôle sans faire aucune requête sur son salaire, cette dernière obtenant plus de 25 000 $ pour son travail, soit le quart de son tarif habituel. Anthony Perkins sera par la suite choisi pour le rôle de Norman Bates, ce dernier remportant un cachet de plus de 40 000 $ pour son travail sur le long-métrage. De plus, Hitchcock était intéressé à faire jouer l'acteur Stuart Whitman dans son nouveau film, mais ce sera finalement l'acteur John Gavin qui sera embauché, car ce dernier, dont le contrat fut emprunté à Universal pour cette production, coûtait beaucoup moins cher à embaucher. Pour la voix de mère, Hitchcock embauchera le comédien Paul Jasmin, qui était un ami d'Anthony Perkins, et l'actrice Virginia Gregg pour enregistrer la voix de ce personnage mystérieux. La voix de la comédienne Janet Nolan, qui était alors mariée à l'acteur John McIntyre, qui interprétait ici le rôle du shérif adjoint dans le film, sera également utilisé, le réalisateur mélangeant parfois toutes les voix des acteurs afin d'obtenir l'effet désiré. Pour la prestation physique du personnage, Perkins n'apparaît comme mère uniquement que dans la scène finale dans laquelle il attaque Lila. Parmi les 6 personnes embauchées pour incarner le personnage à différents moments du long-métrage, on pouvait y retrouver Midi Costner, Anna Durrett et Margot Epper, cette dernière interprétant mère pendant la fameuse scène de la douche. Donc, pour réduire les coûts et parce qu'il était plus à l'aise avec eux, Hitchcock embauchera la plupart de son équipe de la série télévisée Alfred Hitchcock Presents pour cette production, incluant le directeur de la photographie John Russell, le scénographe George Milo, le superviseur de scénario Marshall Schlum et l'assistant réalisateur Hilton Green. George Tomasini, à titre de monteur, et Saul Bass, à titre de concepteur du générique d'introduction et du storyboard de la scène de la douche, compléteront les postes importants de son équipe de production, dont le montant salarial coûtera au final plus de 62 000 $ au réalisateur-producteur. Les bâtiments originaux du Bates Motel et de la maison des Bates seront construits sur la même scène où se trouvaient les décors de la version de 1925 du Phantom of the Opera, qui mettait alors en vedette l'acteur Lon Chaney. Ces bâtiments, qui furent construits à partir de dessins originaux des directeurs artistiques Joseph Hurley et Robert Clatworthy, se trouvent toujours aujourd'hui dans le backlot des studios Universal à Universal City et constituent une attraction régulière de la tournée des studios. Toujours dans l'optique de maintenir les coûts le plus bas possible, Hitchcock choisira de filmer Psycho en noir et blanc, décision qui prenait également en compte son désir d'éviter que la scène de la douche ne soit trop sanglante. La production débutera dans les studios Review le 11 novembre 1959, au même endroit où le producteur-réalisateur faisait son émission de télévision Alfred Hitchcock Presents et durera jusqu'au 1er février 1960. Presque tout le film sera tourné avec des objectifs 50 mm ainsi que des caméras 35 mm donnant un angle de vue similaire à la vision humaine. Hitchcock refusera l'accès total aux photographes de studio pendant toute la production afin d'éviter que toute image ne soit divulguée à la presse. Cependant, le directeur de la publicité chez Paramount, Herb Steinberg, suppliera Hitchcock d'autoriser les photographes sur le plateau, lui promettant que leur film resterait non développé jusqu'à ce qu'il leur donne son approbation. Cependant, un journaliste dévoilera un titre proche de celui du film, soit Psyche, alors qu'un autre article révélera pratiquement toute l'intrigue du film. Suite à cela, le réalisateur-producteur fermera de nouveau le plateau de tournage aux visiteurs ainsi qu'aux journalistes et interdira à ses acteurs et à son équipe technique de discuter de l'intrigue à l'extérieur du studio tout en ordonnant aux gens responsables de la publicité chez la Paramount de ne pas parler de l'histoire aux journalistes. Chaque semaine, le tournage avait lieu du lundi au jeudi, débutant tôt le matin et se terminant vers 18 heures, sauf le jeudi, où le tournage pouvait se terminer plus tôt lorsqu'Hitchcock invitait son épouse à manger au restaurant. Avant le début du tournage, en novembre, Hitchcock avait envoyé son assistant réalisateur, Hilton Green, à Phoenix pour repérer les lieux et tourner la fameuse scène d'ouverture. Cette dernière, qui se voulait une vue aérienne de la ville de Phoenix en Arizona, devait commencer par un long plan de la ville qui se dirigeait progressivement vers la chambre d'hôtel où Marion et Sam étaient au lit. Cette séquence se devait à l'origine être le plan en mouvement le plus long jamais tenté par hélicoptère, se devant alors de parcourir plus de 4 000 de distance. Malheureusement, les images obtenues depuis l'hélicoptère furent trop chaotiques et saccadées, forçant Hitchcock à remonter ces images avec d'autres faites en studio. Durant la production, Perkins et Lee auront la liberté d'improviser tant que cela n'impliquait pas de déplacer la caméra. De plus, Hitchcock avait un humour noir sur le plateau de tournage, le réalisateur cachant diverses versions du cadavre de mère dans le placard de la loge de l'actrice Janet Leigh. Lee prit bien la blague, car elle était persuadée que ce geste était fait pour la garder en haleine et également pour juger quel cadavre serait le plus effrayant pour le public. Pour la séquence du monologue du psychiatre à la fin du film, cette scène était cruciale au long-métrage d'Hitchcock, car il expliquait en long et en large le psychisme de Norman Bates et les événements invisibles de l'intrigue. Le monologue contenait de nombreux détails médicaux et nuances émotionnelles qui, selon toute logique, aurait dû prendre une éternité à tourner. Cependant, l'acteur Simon Oakland réussira la scène, et ce, dès la première prise. Le meurtre du personnage de Lee sous la douche est sans contredit l'une des scènes les plus emblématiques du cinéma nord-américain. Cette dernière sera tournée entre le 17 et le 23 décembre 1959, après que Lee ait reporté le tournage à deux reprises, dont une fois à cause d'un rhume. La scène terminée, qui dure environ 3 minutes, comprendra plus de 60 plans de caméra distincts. La légende veut que plus de 78 plans furent nécessaires pour la séquence, mais ce chiffre exagéré pourrait être basé sur le storyboard et non sur le film lui-même. Pour capturer l'image de la pomme de douche, la caméra sera équipée d'un objectif long. De plus, les trous intérieurs de la pomme de douche seront bouchés et la caméra placée à une distance suffisante pour que l'eau, tout en semblant se diriger directement vers l'objectif, la contourne sans y toucher. L'actrice Janet Leigh sera utilisée presque tout le temps dans cette séquence. Cependant, pour les scènes plus complexes, ce sera le mannequin Marley Renfro qui sera utilisé comme double du corps de Lee. De plus, Renfro apparaîtra nu sur le plateau de tournage afin d'établir l'éclairage et les angles de caméra de la séquence, ainsi que la densité de l'eau et durée d'eau de douche, en plus de rendre l'équipe de tournage beaucoup plus à l'aise avec la quasi-nudité de Janet Leigh. Renfro était une nudiste dévouée et une stripteaseuse professionnelle, la raison pour laquelle la jeune femme n'avait aucun problème à être nue devant les gens. Au final, la seule image où Renfro devait apparaître dans la séquence du meurtre fut censurée en raison de la visibilité des fesses nues du mannequin. Cependant, Hitchcock a utilisé Renfro pour la séquence dans laquelle Norman emballe le corps de Marion dans le rideau de douche et le transporte dans le coffre de sa voiture. Il existe différents mythes populaires pour cette scène historique, dont celle où Hitchcock aurait aspergé d'eau glacée Janet Leigh afin de rendre son cri beaucoup plus réaliste. L'actrice niera le tout, affirmant que de l'eau chaude fut utilisée tout au long du tournage. Un autre de ces mythes était que le graphiste Saul Bass aurait dirigé la fameuse séquence de la douche, ce qui sera démenti par plusieurs personnes associées au film, dont l'actrice Janet Leigh. Cependant, Bass aurait contribué à la séquence avec la réalisation du storyboard de la fameuse scène iconique. Vu sa nature graphique, Hitchcock utilisera beaucoup le suggestif grâce à la rapidité des plans et des effets créés avec l'aide de l'éclairage. Pour le faux sang, Hitchcock utilisera du sirop de chocolat Hershey, ce qui aidera le réalisateur avec la censure américaine avec qui il avait énormément de problèmes à cause principalement des scènes qui montraient une toilette, ce qui ne s'était presque jamais vu dans le cinéma américain jusque-là. Pour la fameuse scène de la douche, Hitchcock n'avait nullement l'intention d'utiliser de la musique. Ce sera finalement le compositeur Bernard Herrmann qui insistera pour qu'il laissait sa composition sur l'image. Le résultat plaira tellement au réalisateur que ce dernier doublera presque le salaire du musicien. Cependant, ce sera le meurtre d'Arbogast, dont le storyboard sera également réalisé par Saul Bass, qui fut le plus difficile à filmer. Il aura fallu, en effet, construire une plateforme pour maintenir l'acteur Martin Balsam pendant qu'il tombait dans les escaliers. De plus, comme les caméras de cinéma à l'époque n'avaient pas de mise au point automatique, il faudra que l'assistant caméraman ajuste minutieusement le focus tout au long de la chute du personnage. Un système de poulies aériennes sera également réalisé le long de l'escalier, ainsi qu'un dispositif semblable à une chaise qui aurait dû être construit pour suivre la victime, système qui sera conçu pour maintenir la caméra et ses opérateurs. Il faudra plusieurs semaines pour construire et tester le dit dispositif. À l'origine, une série de plans où le personnage d'Arbogast monte les escaliers de la maison des Bates avant d'être poignardé fut réalisé par l'assistant réalisateur Hilton Green avec, comme base, les images du storyboard de Bass alors qu'Hitchcock était très malade à cause d'un rhume. Cependant, après avoir visionné les prises de vue, Hitchcock fut contraint de reprendre la dite scène, mais conservera tout de même une petite partie des images tournées par Green. Suite à la fin de son tournage, Hitchcock sera contraint de reprendre certaines scènes, notamment le plan final de la scène de la douche, qui commence par un très gros plan sur l'œil de Marion. Cette séquence s'est révélée difficile pour l'actrice Janet Leigh, car l'eau qui lui éclaboussait les yeux lui donnera souvent l'envie de cligner des yeux. De plus, c'était un travail difficile pour le caméraman qui devait faire la mise au point manuellement durant le déplacement de sa caméra. Des reprises seront également nécessaires pour la scène d'ouverture parce que Hitchcock estimait que Lee et Gavin n'étaient pas assez passionnés. Enfin, la scène dans laquelle Mère est découverte a nécessité une coordination compliquée entre la chaise qui se retournait, l'actrice Vera Miles heurtant l'ampoule et une lumière parasite, ce qui s'est avéré très difficile. Hitchcock a forcé des reprises jusqu'à ce que les trois éléments soient réalisés à sa satisfaction. Lors de l'écriture du scénario, Hitchcock pensait utiliser une bande sonore minimale et jazzée pour son long métrage. Mais le compositeur Bernard Herrmann, qui avait travaillé sur les cinq films précédents du réalisateur, suivit sa propre inspiration et écrira une partition pour un ensemble uniquement à cordes, ce dernier ne possédant pas un budget très élevé pour sa musique. D'ailleurs, le compositeur avait à l'origine refusé de réaliser la musique du long-métrage à cause du cachet réduit de la production, mais au final, Berman obtiendra plus de 34 501 de salaire. Il est à noter que jamais auparavant, une musique de film n'avait été composée exclusivement pour des instruments à cordes. Une fois le montage terminé, Alfred Hitchcock entrera en conflit avec les censeurs chargés de faire respecter le code de production parce que certains d'entre eux ont insisté sur le fait qu'ils pouvaient voir l'un des seins de Lee durant la séquence de la douche. De plus, ceux-ci étaient bouleversés par l'ouverture osée de Marion et Sam alors que cette dernière ne portait qu'une brassière. Hitchcock déclarera alors que s'il le laissait garder la scène de la douche intacte, il retournerait la séquence d'ouverture avec eux sur le plateau de tournage comme témoin. Le jour du tournage, aucun des membres du conseil d'administration ne se présentera et Hitchcock gardera la scène telle qu'elle. Finalement, le 3 mars 1960, le bureau de censure a délivré à Paramount un sceau d'approbation basé sur les scènes revisées telles que visionnées dans leur salle de projection, alors que le metteur en scène n'avait fait aucun changement. Le film sortira en salle le 16 juin 1960 au The Mile Theater et au Baronet Theater de New York. Psycho sera le tout premier film vendu aux États-Unis sous la condition que personne ne serait admis au cinéma après le début du long métrage. Ce ne sera quand même pas la première fois que ce type de stratégie publicitaire sera utilisé. Le réalisateur français Henri-Georges Clouzot l'avait déjà fait pour son film Les Diaboliques en 1955. Au début, les propriétaires de théâtre se sont opposés à l'idée, pensant qu'ils perdraient beaucoup d'argent. Cependant, après le premier jour, les propriétaires ont pu profiter de longues files de personnes attendant de voir le film. La semaine après la première de New York, le film sera présenté au Paramount Theater de Boston, au Woods Theater de Chicago et au Arcadia Theater de Philadelphie. Après 9 semaines de sortie, Psycho sera projeté dans les cinémas du quartier de New York, la première fois qu'un film était projeté simultanément à Broadway ainsi que dans les théâtres du quartier. Cette politique d'admission sera également appliquée dans les cinéparcs, de sorte qu'à un certain moment, un cinéparc du New Jersey obtiendra une file de voitures de plus de 3000 de long. Paramount et Hitchcock iront même jusqu'à refuser de vendre le film aux exploitants des salles qui ne respecteraient pas cette politique d'admission. Cependant, certaines salles durent abandonner la dite politique d'admission en raison de clients en colère. Au cours de sa semaine d'ouverture, Psycho rapportera plus de 46 500 $ au cinéma The Mile et un record de 19 500 $ au cinéma Baronet. Suite à son expansion, la semaine suivante, le film rapportera un 143 000 $ additionnel dans un total de plus de 5 cinémas. Psycho battra des records au box-office au Japon et dans le reste de l'Asie, en France, en Grande-Bretagne, en Amérique du Sud, aux États-Unis ainsi qu'au Canada et a connu un succès modéré en Australie pendant une brève période. Au final, le long-métrage deviendra le deuxième film le plus lucratif de 1960, tout juste derrière le film de Stanley Kubrick, Spartacus, terminant avec un box-office brut de 32 millions de $ dont 9,1 millions de $ dans les salles en Amérique du Nord. Psycho sera le film le plus réussi commercialement de la carrière d'Hitchcock, ce dernier empochant personnellement plus de 15 millions de $ au final. La représentation de la sexualité de la violence et de la maladie mentale dans le long-métrage sera extrêmement controversé durant sa sortie initiale, de nombreuses critiques avertissant les spectateurs de ne pas amener d'enfants au théâtre. Le film, qui recevra un certificat X ou réservé aux adultes en Grande-Bretagne, fut particulièrement attaqué par les critiques britanniques, dont plusieurs ont qualifié le film de la pire réalisation de la carrière du réalisateur. Psycho recevra de nombreuses nominations aux Oscars pour les catégories meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle, meilleure direction artistique ainsi que meilleure photographie. L'actrice Janet Leigh remportera le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle et Hitchcock sera lui-même nominé pour des prix par la Guild des réalisateurs américains et la Screen Producers Guild. En plus d'avoir reçu une nomination de la Writers Guild of America pour le meilleur drame américain écrit, le scénario de Joseph Stefanou sera élu meilleur scénario de 1960 par les Mystery Writers of America, alors que l'auteur Robert Bloch recevra un parchemin spécial de l'organisation pour sa contribution au long-métrage. La chaîne de télévision CBS achètera les droits de diffusion télévisuelle pour 450 000 $. CBS prévoyait diffuser le film le 23 septembre 1966 dans le cadre de sa nouvelle soirée cinéma de CBS Friday Night Movies, mais trois jours avant la diffusion, Valerie Percy, fille du candidat au Sénat de l'Illinois, Charles Percy, sera assassinée dans la résidence familiale, poignardée une douzaine de fois avec un couteau par un intrus. À la lumière de ce meurtre, les dirigeants de CBS prendront alors la décision de reporter la diffusion du long-métrage au début de l'année 1967. Cette diffusion sera de nouveau reportée suite à l'incendie d'Apollo 1 le 27 janvier 1967, incendie qui coûta la vie aux astronautes Virgil Grissom, Edward White et Roger Caffey. Psycho sera finalement diffusé à la télévision en 1970, après que le long-métrage ait connu de nouveau le succès en salle lors de sa ressortie en 1969. Hitchcock vendra finalement les droits sur Psycho en 1962 afin d'obtenir plus de 150 000 actions de Universal Studios, faisant de lui le troisième actionnaire le plus important de cette entreprise. Peu de temps après, soit en 1966, les studios Paramount Pictures vendront leur part des droits de Psycho à Universal, leur donnant ainsi plein contrôle sur la franchise. Psycho sera choisi pour être conservé par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès en 1992 et sera inclus dans plusieurs catégories des 100 meilleurs de l'AFI, dont le 14e meilleur film de tous les temps, alors que le personnage de Norman Bates sera classé deuxième sur la liste des 100 plus grands héros et méchants de l'histoire du cinéma. Les décors du Bates Motel et de la maison deviendront des éléments importants de la tournée des studios Universal à Hollywood, tandis que la tournée Universal Studios à Orlando, en Floride, présente le pavillon Hitchcock ainsi qu'une expérience Psycho composée de spectacles en direct, d'extraits de films et d'images de Perkins spécialement tournées pour cette tournée. Le personnage de Norman Bates apparaîtra pour une adaptation du film Psycho en bande dessinée en trois numéros publiés en 1992 par Innovation Publishing. Bien qu'il s'agisse d'une adaptation colorisée du film d'Hitchcock, la version de Norman présentée dans ce comic ressemble beaucoup plus à celle du roman original de Bloch, soit un homme d'âge moyen en surpoids et chauve. Le dessinateur Felipe Echevarria a expliqué que cela était dû au refus de Perkins de permettre que son image soit reproduite pour les livres. Psycho marquera la cinquième et dernière fois que le réalisateur-producteur Alfred Hitchcock obtiendra une nomination pour l'Oscar du meilleur réalisateur, un prix qu'il ne remportera jamais durant son illustre carrière. Du côté des points forts, eh bien, sans contredit le meilleur film de la carrière d'Hitchcock, Psycho bénéficie d'un scénario construit habilement, mélangeant subtilement suspense, intrigue et scène choc, mettant ainsi son auditoire sur le qui-vive. Ce qui est le plus terrorisant avec ce film, c'est le réalisme de ce dernier et à quel point qu'une telle situation pourrait survenir à chacun d'entre nous. La mise en scène est ici tout simplement ingénieuse, le réalisateur nous présentant un visuel époustouflant rempli de séquences iconiques. De plus, ce dernier se permet des choses jugées impensables pour son époque, faisant de ce tout premier slasher film une œuvre totalement avant-gardiste pour son temps. La direction photo, qui nous donne ici un visuel rempli de sous-messages, ainsi que le montage, sont également exemplaires, tout comme la distribution du film, spécialement Janet Leigh et Anthony Perkins, ce dernier mélangeant avec adresse innocence, victimisation et folie pour son personnage. Le long métrage possède un rythme hypnotisant qui fait monter tranquillement le suspense jusqu'à la fin, qui était tout simplement démentiel pour 1960, le tout, soutenu par la musique magistrale du compositeur Bernard Herrmann. Mais, du côté des points faibles, le fait que Psycho soit un film beaucoup plus cérébral qu'un slasher traditionnel pourrait ennuyer certains spectateurs, spécialement le rythme lent de l'évolution de l'histoire. Hitchcock prend le temps de bien développer son histoire et ses personnages ici, un atout pour les amateurs de cinéma, mais un cauchemar pour les amateurs de films d'horreur traditionnels. De plus, certaines séquences sont quelque peu trop théâtrales, mais cela va avec l'époque où ce film a été réalisé. Le dénouement final se déroule beaucoup trop rapidement ici et la fin du film est peut-être un peu trop abrupte, celle-ci se terminant sans même nous présenter un générique. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Bernard Herrmann qui a écrit la trame sonore du film Psycho, lui qui avait travaillé sur les films Taxi Driver, It's Alive, Keep Fear, la version de 1962 et la version de 1963 de Jason and the Argonauts. Vous pouvez retrouver la trame sonore de Psycho sur CD. C'est sorti sous l'étiquette Soundstage Records. Cette soundtrack sortira également en 1989 sous l'étiquette Unicorn Kanchana. Ça également, c'était un CD. Vous en avez un autre qui a été distribué par Varese Sarabande le 29 juillet 1997. Ça, c'était une version beaucoup plus complète de la trame sonore du film. Vous avez également un vinyle qui est sorti le 31 mars 2015 sous l'étiquette Doxy Records. Et finalement, eh bien, vous avez un vinyle qui a été sorti le 8 octobre 2015, vinyle qui a été distribué sous l'étiquette Vinyl Passion. Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. When it comes to candy, I'll bet every young man has a secret wish to own a candy store filled to his heart's desire with smooth, rich chocolates, creamy nougats, and chewy caramels. Well, whatever your favorite is, you'll find the refreshment centers a heaven of delectable candy just waiting for you to take your pick. So treat yourself to some delicious candy from the refreshment center. There's time between shows. Stop in right now. Get ready for Chock-a-Vore Horror with Crave. A game only survivors can win. Find your code on special packs, and you could win a prize every hour at chockavore.co.uk. Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it. We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon. Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go. It's showtime. Rated X. Boy's best friend is his mother. She just goes a little mad sometimes. Mother! Oh God! Mother! Psycho, ou Psychose, est un drame d'horreur qui a été produit et distribué par les studios Universal Pictures le 4 décembre 1998. Ce film américain d'une durée de 104 minutes a coûté 60 millions de dollars à produire, mais n'a amassé qu'un maigre 37,2 millions de dollars au box-office mondial. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Gus Van Sant, lui qui avait réalisé les films To Die For, Drugstore Cowboy et Good Will Hunting. Au poste de producteur, on y retrouve les producteurs américains Brian Grazer, lui qui avait produit les films Splash, The Missing, Apollo 13 et Blue Crush, ainsi que Gus Van Sant, lui qui avait produit les films Malanoche, Last Days et Restless. Au niveau de la scénarisation, eh bien c'est le scénariste américain Joseph Stefano, lui qui avait écrit The Naked Edge, The Black Orchid, Blackout et le film original Psycho de 1960. Dans la distribution, eh bien, on y retrouve les acteurs et actrices Vince Vaughn, Anne Hetch, Julianne Moore, Viggo Mortensen, William Macy, Robert Forster, Philip Baker Hall, Anne Haney, Rance Howard, Chad Everett, Rita Wilson, James Remar et James LeGros. Après avoir volé une forte somme d'argent à son employeur, une secrétaire se retrouve dans un motel tenu par un jeune homme solitaire où elle est alors assassinée dans sa douche. Horrifié par ce meurtre, qu'il attribue à sa mère, le propriétaire s'empresse de faire disparaître le cadavre, mais se retrouve rapidement harcelé par un détective et la sœur de la victime. Suite au succès de son deuxième film en carrière, Drugstore Cowboy, le réalisateur Gus Van Sant verra s'ouvrir devant lui les portes des grands studios d'Hollywood parce que les exécutifs savaient que plusieurs grands comédiens voudraient alors travailler avec lui. Ce sera lors de sa rencontre en 1989 avec les hauts dirigeants des studios Universal que le metteur en scène proposera de refaire le film classique Psycho, mais en cherchant à le refaire d'une façon identique, plan par plan, une idée que le responsable de la production de l'époque, Casey Silver, considérera comme très étrange. Cette idée sera alors rejetée, forçant Van Sant à s'attaquer à son prochain projet, le film indépendant My Own Private Idaho, qui sera distribué en salle en 1991. Van Sant était un admirateur de longue date du Psycho d'Alfred Hitchcock et, alors qu'il était étudiant en cinéma, avait tourné une publicité parodique pour une marque fictive appelée Psycho Shampoo, dans laquelle se trouvait une reconstitution parfaite de la séquence du meurtre sous la douche du classique de 1960. Cependant, suite au succès financier de sa dernière réalisation en 1997, Good Will Hunting, le réalisateur représentera son idée aux exécutifs de la Universal Pictures qui accepteront alors le concept et débloqueront pour lui un budget de plus de 60 millions de dollars. De nouveau, Van Sant présentera l'argument de refaire le film plan par plan comme stratagème marketing afin de faire connaître un classique oublié à un auditoire plus actuel. Au lieu d'écrire un nouveau scénario, Van Sant reprendra le script original de Joseph Stefano et n'y apportera que quelques changements mineurs afin de rajeunir le concept, plaçant l'histoire de son film dans un contexte contemporain de 1998 et en ajustant les références à l'argent en raison de l'inflation, le montant volé passant alors de 40 000 $ à plus de 400 000 $. Ce sera le concepteur des effets spéciaux Rick Baker qui sera embauché pour la réalisation des effets visuels, le film se devant d'être beaucoup plus sanglant que l'original car celui-ci sera alors tourné en couleur. Des auditions seront alors annoncées. Le personnage de Marion Crane devait initialement aller à l'actrice Nicole Kidman, mais cette dernière dut quitter le rôle en raison de problèmes de conflit d'horaire avec la production de Practical Magic. Par la suite, ce sera l'actrice Laura Linney qui se verra offrir le rôle, mais cette dernière choisira plutôt de jouer dans le film The Truman Show. Ce sera donc finalement l'actrice Anne Hetch qui sera finalement choisie. Julianne Moore, qui a été choisie pour incarner Lila Crane, choisira alors intentionnellement de dépeindre son personnage comme une personnalité beaucoup plus agressive, contrairement à l'interprétation de la comédienne originale Vera Miles. Pour William H. Macy, ce dernier désirait jouer absolument avec Van Sant et était prêt à accepter n'importe quel rôle pour être dans le film. Ce sera finalement lui qui sera choisi pour interpréter le détective privé Milton Arbogast. Finalement, Van Sant choisira personnellement l'acteur Vince Vaughn pour le rôle de Norman Bates, ce dernier étant surtout connu pour ses rôles dans des films tels que For the Boys, Swingers et surtout Jurassic Park The Lost World. Viggo Mortensen complétera alors la distribution principale. Le tournage de cette nouvelle version de Psycho aura lieu en grande partie dans le backlot des studios Universal à Los Angeles avec des tournages extérieurs supplémentaires à Phoenix en Arizona, notamment à l'hôtel Westward Ho. Le tournage débutera donc le 6 juillet 1998 et se terminera le 26 août, étant d'une durée de plus de 6 semaines, tout comme le film original. Avec l'idée de refaire le film entièrement plan par plan, Van Sant et son équipe se rendront rapidement compte que cela serait irréalisable, n'étant tout simplement pas capable de reproduire certaines séquences, ne comprenant pas comment le réalisateur avait réussi à accomplir celle-ci à l'époque. Sera alors prise la décision par l'équipe de production de réaliser la nouvelle version de la meilleure façon qu'il le pouvait et de chercher à rester proche du visuel d'origine lorsqu'il le pourrait. Bien que l'extérieur du motel original de la version de 1960 de Psycho ait été démoli depuis longtemps, l'ensemble extérieur du motel vu dans ce remake fut celui construit à l'origine pour la suite de 1983, Psycho 2. Cependant, la maison, elle, sera un tout nouveau décor construit directement en face de l'ancienne maison du film original située sur les emplacements des studios Universal. Une fois le tournage terminé du long-métrage, cette nouvelle résidence sera alors déplacée à côté de la résidence originale pour la tournée touristique des studios. La première scène qui sera tournée par l'acteur Vince Vaughn dans le rôle de Norman sera celle où Bates et Marion se rencontreront pour la première fois. L'acteur étant très nerveux, ce dernier ne put contenir l'énergie nerveuse de son personnage, forçant alors le réalisateur à reprendre le tournage de toute la séquence. Afin de protéger son comédien, Van Sant déclara au producteur qu'il n'aimait pas les clés des chambres de motel et qu'il désirait que ces dernières soient modifiées. Le concepteur des effets spéciaux Rick Baker fera la conception du mannequin de Madame Bates, un mannequin nettement plus réaliste que celui des années 60. De plus, pour la fameuse scène de la douche, la décision sera prise de la rendre plus sanglante, montrant des blessures au couteau dans le dos et du sang sur le mur dans la scène de la douche. Un autre changement apporté par Van Sant sera sa vision plus sexuelle en rapport avec la démence de Norman et également l'ajout de plusieurs images subliminales surréalistes qui seront montrées dans des séquences de meurtre. Finalement, ce sera la costumière Beatrix Aruna Pastor qui s'occupera des costumes du remake. Cette dernière considérait que cette œuvre cinématographique serait une pièce d'époque et fera l'acquisition de vêtements d'époque des années 60 pour ses acteurs. Ce sera le compositeur américain Danny Elfman qui retravaillera plusieurs morceaux originaux de certaines des partitions de Bernard Herrmann et qui créera également une collection de chansons dans des genres allant du country au metal, dont les titres des œuvres seront liés principalement par les titres contenant le mot « psycho » ou d'autres mots liés à la mort ou à la folie. De nombreuses chansons furent enregistrées spécifiquement pour la bande originale du film, soit « Once is not enough », Honeymoon Suite, Madhouse, Out of My Life et In the End. La chanson Madhouse sera la dernière chanson enregistrée par le groupe Mono avant sa séparation en 2000. La post-production du remake de Psycho se terminera en octobre 1998. Le film sortira dans plus de 2477 salles aux États-Unis le 4 décembre 1998, se classant au deuxième rang du box-office nord-américain, tout juste derrière A Bug's Life, avec un box-office de plus de 10 millions de dollars. Le film amassera un total de 21,5 millions de dollars sur le continent nord-américain et amassera plus de 15,5 millions de dollars additionnels au niveau international. Mal reçu par la critique, ce remake recevra deux prix durant la 19e édition des Golden Raspberries Awards, le premier pour le pire remake ou suite et le second pour le pire réalisateur, tandis qu'Anne Hetch sera nominée pour la pire actrice perdant heureusement son titre aux mains des Spice Girls pour le film Spice World. Cependant, lors de la 25e édition des Saturn Awards, Psycho obtiendra deux nominations, la première pour meilleure actrice dans un second rôle pour Anne Hetch et celui du meilleur scénario pour Joseph Stefano. Le compositeur Bernard Herrmann, qui venait tout juste de terminer la musique du film de Martin Scorsese, Taxi Driver, se préparait à travailler sur son prochain long-métrage, God Told Me To, du réalisateur Larry Cohen, avec qui il ira souper. Revenant à son hôtel suite à son repas, Herrmann décédera durant son sommeil dans sa chambre d'hôtel d'une crise cardiaque le 24 décembre 1975, au jeune âge de 64 ans. Pour le scénariste Joseph Stefano, celui-ci, qui écrira plus d'une douzaine d'épisodes de la série de science-fiction des années 60 « The Outer Limits », décédera d'une crise cardiaque au Los Robles Hospital en Californie le 25 août 2006 à l'âge de 84 ans. Finalement, le 5 août 2022, l'actrice Anne Hetch sera impliquée dans une séquence de trois collisions de véhicules à Los Angeles, la dernière collision étant la plus sérieuse, infligeant de graves blessures à Hetch et détruisant une maison. Elle sera alors transportée d'urgence au Ronald Reagan UCLA Medical Center, où elle décédera après avoir été débranchée du respirateur artificiel le 11 août 2022. Elle n'était âgée que de 53 ans. Bien que l'accueil global du film ait été moins favorable que le film de 1960, Psycho, the remake, recevra la bénédiction de la fille d'Hitchcock, Pat, qui déclarera que son père aurait été flatté par ce remake de son œuvre originale. Du côté des points forts, eh bien, ce remake est, comme je le dis souvent, un exercice de style de la part de Van Sant. Bien qu'il pourrait paraître inutile pour plusieurs, ce remake a tout de même le mérite de faire connaître un classique à un jeune auditoire qui n'est point intéressé au film noir et blanc. Bien qu'il ne soit pas une copie tout à fait conforme de l'original, Psycho permet à son réalisateur de créer des scènes qu'Hitchcock n'a pu réaliser à l'époque, tel ce zoom-in aérien au début du film qui nous transporte directement dans la chambre d'hôtel de Marion et Sam. La distribution ici est nettement plus naturelle que dans le film original, cette dernière étant moins théâtrale, malgré que quelquefois « over the top », comme c'est le cas avec Julianne Moore et Anne Hetch. La direction photo est ici également soignée, tout comme le montage sonore, qui donne tout de même un certain intérêt au film. Mais du côté des points faibles, eh bien Vince Vaughn est loin d'égaler la prestation d'Anthony Perkins en Norman Bates. Bien qu'il ait effectué un excellent travail de préparation et de recherche pour son personnage, ce dernier n'a pas la présence de Perkins et ne parvient pas à nous convaincre de sa naïveté et de sa folie meurtrière. Comme c'est une copie d'un film presque plan par plan, le travail du réalisateur ici, qui prend le scénario original de 1960 et le recopie sans y apporter d'énormes changements littéraires, devient rapidement une œuvre sans âme et sans véritable inspiration, la réalisation étant ici beaucoup trop mécanique et pas assez personnalisée. La nouvelle maison des Bates est ici beaucoup moins iconique que l'original, cette dernière n'ayant aucunement le charme de celle de 1960. Bien qu'il fallait qu'il trouve une façon de choquer son auditoire, comme Hitchcock l'a fait à l'époque, Vincent se permet ici de sombrer dans des mœurs douteux et instaure également une série d'images subliminales qui ne passent pas nécessairement bien pour le produit désiré. Finalement, la conclusion n'est pas aussi cauchemardesque que le film original, cette dernière ayant trop l'air d'être orchestrée avec le gars des vues. Du côté musical, eh bien, on a repris ici la musique composée par le compositeur américain Bernard Herrmann, lui qui avait réalisé les musiques des films The Ghost and Mrs. Muir, The Day the Earth Stood Still, Vertigo et le film original de Fahrenheit 451. Cette trame sonore a été retravaillée par le compositeur américain Danny Elfman, lui qui nous avait donné les films Beetlejuice, Batman, Mars Attack et Hitchcock. Il n'y a eu qu'une seule trame sonore du film de 98 qui a été mise sur le marché, soit Psycho, Music From and Inspired by the Film, qui est sorti sous l'étiquette Geffen Records le 1er décembre 1998 en CD, une trame sonore qui inclut presque toutes les chansons qui ont été distribuées dans le film, ainsi que la musique de Danny Elfman. Il y a également Psycho, The Original Score, qui, elle, est sortie sous l'étiquette Virgin Record America en CD le 8 juin 1998, une trame sonore où on peut y retrouver toute la musique de Bernard Herrmann ainsi que les morceaux qui ont été tout simplement modifiés par le compositeur Danny Elfman. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm avait coté le film Psycho, la version de 1964 à l'époque. Aujourd'hui, elle est cotée 1. Moi, j'y vais avec une cote 2. L'aspect théâtral dérange un petit peu, puis empêche pour moi au film d'avoir une cote 1, malgré que ça demeure tout de même un film culte et, à plusieurs niveaux, un chef-d'œuvre. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film pour tous. Moi, j'y vais beaucoup plus avec un film 14 ans pour un contenu mature et des scènes de violence. Du côté du film Psycho, version 1998, eh bien, Mediafilm cote le film 4. Moi, j'y vais avec une cote 5. Je pense que l'interprétation, à certains moments, dans le film, n'est pas nécessairement stable. Donc, je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. Puis, il y a aussi, comme je disais tantôt, le manque d'âme dans le film. C'est un petit peu comme, genre, tout simplement répéter quelque chose qui a été fait sans y mettre son âme à l'intérieur. Donc, je trouve que ces points-là font en sorte que le film est quelque peu moins intéressant que le film original et également l'interprétation de M. Vaughn qui est loin d'égaler celle de Perkins. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également pour une cote 14 ans pour des scènes de violence et un contenu un petit peu plus mature. Au niveau de la distribution en DVD et en Blu-ray, eh bien, le film Psycho est disponible en français et en anglais, en DVD, en Blu-ray et en 4K. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver. Il y a bien sûr plusieurs versions qui existent, incluant ce qu'on appelle un Iconic Art Steelbook. C'est une couverture en métal dans laquelle vous avez votre film. Donc, encore là, c'est quelque chose qui inclut les versions françaises et anglaises. C'est un ensemble dans lequel vous avez un Blu-ray, une copie digitale ainsi qu'une copie ultraviolet. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible d'avoir sur le marché présentement. Et vous avez l'édition 60e anniversaire, quelque chose que vous pouvez retrouver en Blu-ray, en DVD et en 4K. Mais cependant, cette édition n'est qu'en version anglaise. Et pour la version de 1998 de Psycho, eh bien, c'est un film que vous pouvez retrouver en DVD et en Blu-ray, en français et en anglais. Donc, ça, c'est quelque chose de très facile d'accès. De plus, vous avez un coffret qui s'appelle Psycho, The Complete 4 Movie Collection, quelque chose que vous avez en DVD et en Blu-ray, qui comprend les 4 premiers films de la saga, soit Psycho, de version de 1960, Psycho 2, Psycho 3 et Psycho 4, The Beginning. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez uniquement, cependant, en version anglaise. Drive away your worries and cares at this drive-in theater, where you will see the finest motion pictures of all time soon to be released. Drama, comedy, adventure, excitement, something for everyone. Here's a brief glimpse of some of the truly fine pictures we've scheduled in the near future. Guy just wants to be left alone in peace. Aren't you going to take him in for questioning or anything? Just leave him alone. Norman Bates is back to normal. But Mother's off her rocker. Again. Norman, is that you? Yes, Mother. It's me. Bates Motel. Aside from total boredom, nothing's gonna happen to you here. I can't have that sort of thing going on in my motel. Gives the place a bad name. Why are you so kind to me? You remind me of someone. Mother! I figured Bates was a geek, but a full-fledged Looney Tune? Norman! I'll get you for this, Mother. You haven't got the guts, boy! Boy's best friend is his mother. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.